Chapitre 24e. Le lendemain, comme 3 heures sonnaient, M. de Labranche entra dans le cabinet de Mme d'Alifard. Ainsi que cela avait été convenu la veille, Adolphe était sorti. En son absence, le notaire pouvait s'expliquer en toute liberté. Ce n'était plus le même homme qui, la veille, un chapeau de paille sur la tête, un foulard au cou, un veston de laine blanche sur le dos, les mains dans ses poches, se promenait sur le bord de la Marne, parlant haut, riant, sifflant un air d'opérette, et faisant risette aux canotières. C'était M. de Labranche, notaire à Paris. Il avait repris la mine et le costume de son emploi. Encore, pour la circonstance, en avait-il exagéré la gravité. Jamais son col droit n'avait été si roide, sa cravate blanche si empesée. Jamais ses cheveux n'avaient été si bien collés sur sa tête. À Nogent, lorsqu'il arrivait chez Mme d'Alifard, il avait l'habitude d'aller droit à elle, les mains tendues, et de lui dire « Bonjour, ma chère Mme d'Alifard, vous allez bien. Vous êtes fraîche comme les roses de votre jardin. » Mais à Paris, dans l'exercice de ses fonctions, cette familiarité n'eût pas été convenable. Dès la porte, il s'inclina profondément. « Chère madame, dit-il d'une voix sourde, je dépose mes hommages à vos pieds. » Il était le premier à rire de cette phrase prétentieuse, mais elle lui était très utile pour le mettre en train, et après cette énormité, il se sentait mieux dans son rôle. « Adolphe n'est pas ici, » dit-il en relevant la tête et en jouant la surprise. « Il est sorti pour une heure. Vous avez besoin de le voir. »« Au contraire, chère madame, et je suis heureux de ce hasard intelligent. C'est à vous que je rends visite et ce dont j'ai à vous entretenir exige le tête-à-tête. » Adolphe m'eût gêné, car c'est de lui que je veux vous parler. Madame d'Alifard était debout devant un pupitre haut, occupée à vérifier des colonnes de chiffres et tenant dans sa main gantée un crayon rouge avec lequel elle marquait les erreurs d'une croix, mais sans les rectifier. À ces mots, elle quitta son pupitre et alla fermer la porte qui, de son cabinet, communiquait avec la caisse. Penché sur un grand livre, Lucius paraissait absorbé dans son travail. Mais il n'avait pas perdu une seule parole du notaire, et sa curiosité était terriblement excitée. Il allait être question d'Adolphe. C'était sans doute pour un mariage. Avec qui? Ce ne pouvait être qu'avec Mademoiselle Nélis. Ses prévisions du caissier étaient aussi celles de Madame d'Alifard, qui ne doutait pas maintenant que l'absence d'Adolphe n'eût été arrangée avec le notaire. « Il va me parler de Juliette, » se disait-elle en revenant à sa place. « Je vais bien le recevoir. » Et bien préparée, elle s'assit à son bureau, faisant face au notaire. « Vous m'avez fait l'honneur de me consulter plusieurs fois pour vos affaires, » commença M. de Labranche. « Achat de propriétés, placements hypothécaires, transport de créances, et même, vous m'avez appelé dans des circonstances plus délicates. Ainsi, pour le testament de M. d'Alifard. » « Parfaitement, » répondit Mme d'Alifard, qui, de sa conférence avec M. de Labranche, n'avait oublié qu'une seule chose, à savoir qu'elle l'avait appelé sot. Cet oubli des injures qu'elle adressait aux autres était d'ailleurs un des traits de son caractère. Elle offensait les gens avec une extrême facilité, les appelant voleurs, imbéciles, paresseux, et un quart d'heure après, elle n'y pensait plus, à cette seule condition toutefois qu'ils n'auraient pas répliqué. Par ces divers témoignages de votre confiance, poursuivit le notaire, je me crois autorisé à intervenir aujourd'hui dans vos affaires de famille et j'espère, si vous voulez bien m'écouter, que vous me pardonnerez cette ingérence en considération du motif qui la détermine. Lorsque M. Labranche entendait des phrases de ce genre sortir de la bouche de ses collègues, il se tordait de rire. Cependant, il ne rougissait pas de les employer quand il croyait pouvoir les placer lui-même utilement. « Je n'ai pas à vous pardonner, » dit Mme d'Alifard, « j'ai à vous remercier. »« Ces motifs, » continua le notaire, « sont une profonde estime pour vous et une vive amitié pour Adolphe. Je voudrais lui rendre service. » À ce mot, Mme d'Alifard fit la grimace en pinçant les lèvres. Car si elle était la plus heureuse des femmes lorsqu'elle avait l'occasion d'obliger les gens ostensiblement et à bon marché, elle était par contre cruellement humiliée lorsqu'elle se trouvait exposée à devoir la reconnaissance à quelqu'un. Devoir pour quoi que ce fût et à qui que ce fût était pour elle un intolérable supplice. et si, malgré tout, il arrivait qu'on lui eût rendu service, elle s'arrangeait très adroitement pour démontrer qu'on avait eu intérêt à le faire, et que si cet intérêt n'était point payé immédiatement, il le serait à terme. Une femme comme elle n'avait besoin de personne, et un service qu'on lui proposait était une lettre de change qu'on présentait à son acceptation. « Adolphe vous aura grande reconnaissance de votre intention, » dit-elle, « et il saura vous la témoigner. »« Mon Dieu !» répliqua le notaire avec une bonhomie qui trompa Madame d'Alifard en la confirmant dans son idée. « Je serai assez payé par la réussite de mon projet pour qu'Adolphe ne me doive rien. » « C'est bien cela, » se dit Madame d'Alifard. « Il s'agit d'un mariage avec Juliette, et c'est pour toucher les honoraires du contrat que ce petit notaire se permet d'intervenir dans mes affaires. » « Je crois vous en avoir dit assez, » continua-t-il, « pour que vous deviniez maintenant le but de ma visite. Vous êtes doué d'une trop grande finesse pour ne pas prononcer vous-même le mot que j'ai sur les lèvres. Je pense qu'il est question d'un mariage. Précisément. C'est en effet un mariage que je viens vous proposer pour Adolphe, qui est d'âge maintenant à prendre femme. Rien ne presse. Sans doute, ce n'est pas parce que je vois Adolphe vieillir, sans songer à un établissement définitif, que je viens vous entretenir de mon projet. Il n'y a pas péril en la demeure. Cependant, si une occasion favorable se présente, il me semble qu'il est de mon devoir de vous en parler. Un notaire n'est point un homme d'affaires qui n'a souci que de la fortune de ses clients. Au-dessus de la fortune, il y a des intérêts plus élevés. Veiller sur la fortune de nos clients n'est qu'une partie de notre tâche. Nous devons encore, quand cela est possible, assurer la paix et le bonheur de leur famille. C'était de cette façon que les notaires d'autrefois comprenaient les obligations de leur charge, et c'est un vieil usage que je voudrais faire revivre, bien qu'il ne soit plus dans les habitudes du jeune notariat. Vous êtes donc disposé à consentir au mariage d'Adolphe ? Au moins ne suis-je pas hostile à cette idée de mariage. J'entends les choses ainsi, et je n'ai jamais supposé que vous étiez de ces mères jalouses qui veulent garder leur fils pour elles. Je comprends qu'Adolphe doit se marier un jour, et c'est sans effroi que je vois s'approcher ce moment. Je ne crains point une belle fille, et suis assez assuré de l'amitié de mon fils pour savoir que le mariage ne changera pas ses sentiments à mon égard. Qu'une belle fille se présente donc et je l'accepterai, pourvu qu'elle réunisse certaines conditions que je veux absolument trouver chez elle. C'est bien naturel. N'est-ce pas ? Répliqua Madame d'Alifard, qui, ayant amené la conversation à ce point, était certaine maintenant de rouler le notaire. Ainsi, la première chose que j'exige, c'est une fortune à peu près égale à la nôtre. Cependant, vous êtes assez riche pour deux. Qu'un amoureux parle ainsi, cela s'explique à la rigueur, mais un notaire, voilà qui est curieux. J'ai tout simplement voulu dire que vous étiez assez grande pour que la fortune ne soit à vos yeux qu'une question incidente, primée par d'autres d'un ordre plus élevé. Dans ces termes, nous pouvons nous entendre, car je fais assurément passer l'honorabilité de la famille, son nom et sa position dans la société avant son argent. Ainsi, vous me proposeriez une jeune fille dont la dot serait inférieure à celle d'Adolphe, mais qui aurait comme compensation des parents dans une haute situation. Je ne la repousserai pas. J'ai de l'ambition pour mon fils, mais ce n'est pas seulement une ambition d'argent. Si sa femme, par sa parenté, pouvait le servir, je ferais une concession dans mes exigences. Donc, si la jeune fille que vous avez en vue réunit la position et la fortune, dans une mesure que vous pouvez très bien apprécier, de plus, si elle est jolie, bien élevée, telle enfin qu'elle doit faire le bonheur de mon fils, je suis prête à écouter vos propositions. Si au contraire toutes ces conditions que j'exige absolument ne se trouvent point en elle, n'allons pas plus loin. Il me serait impossible de faire des concessions, et une discussion à ce sujet me serait extrêmement pénible. Elle avait débité ce petit discours en regardant le notaire en face, prenant plaisir à ménager ses effets, et riant d'avance de l'embarras dans lequel il allait se trouver pour répondre. Comment s'y prendrait-il pour démontrer que Juliette réunissait ses conditions de fortune et de position ? Il était au pied du mur, et si bien acculé qu'il ne pouvait que se rendre sans dire un seul mot, le nom même de Juliette ne serait pas prononcé. Grande fut sa surprise de voir que M. d'Avranches n'était nullement déconcerté, et qu'il se préparait à répliquer d'un air satisfait. « Je suis d'autant plus heureux de vous entendre parler ainsi, dit-il, que ma jeune fille répond de point en point à ses exigences, beauté, éducation, fortune, position et honorabilité de famille, elle a tout cela. » À son tour, il regardait Madame d'Alifard en face. « Vraiment ? » dit celle-ci. « Avez-vous pu supposer, chère madame, que je serais assez, comment dirais-je bien, assez sot pour vous proposer une personne indigne de vous ? Sans connaître vos prétentions, je pouvais, jusqu'à un certain point, les prévoir. Vous avez pris la peine de me les indiquer en quelques mots précis, de sorte que maintenant je crois qu'il est permis de considérer ce mariage comme fait, puisque d'un côté comme de l'autre, tout se trouve réuni. » « Mais de qui voulez-vous parler ? » interrompit Madame d'Alifard, emportée par l'impatience. « Ah, c'est vrai, je vous ai tout dit, excepté l'essentiel, excepté le nom. C'est Mademoiselle Houdaille. Vous savez mieux que moi comment M. Houdaille a fait sa fortune dans le commerce parisien, comment il a été nommé député au corps législatif et membre du conseil municipal de la Seine. Sa position financière et sa position politique sont connues de tout le monde. Il sera probablement ministre un jour, ou, s'il ne l'est, il pourra aider son gendre à le devenir. Je ne sais pas si vous connaissez Mademoiselle Houdaille. Je ne l'ai jamais vue. Charmante, élevée dans un couvent à la mode, une éducation brillante et des principes. Les principes de son couvent, c'est tout dire. » Madame d'Alifard resta un moment les yeux baissés, faisant effort évidemment pour ne pas laisser paraître les sentiments qui l'agitaient. « Et c'est au nom de M. Houdaille, dit-elle enfin, que vous nous faites cette proposition. » Elle avait grandi de 10 pieds, ses yeux lançaient des éclairs. « Pas précisément. Seulement, il y a quelque temps, M. Houdaille m'a consulté pour le mariage de sa fille. Nous avons cherché ensemble quels jeunes gens pouvaient prétendre à la main de cette charmante personne. Le nom d'Adolphe s'est naturellement présenté, et si les choses n'ont pas été plus loin tout de suite, c'est parce que j'ai cru devoir, par déférence et par amitié, m'adresser à vous d'abord. Maintenant que je connais vos dispositions, je vais suivre l'affaire. Je vous tiendrai au courant de ma négociation. »